الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Nous allons passer directement aujourd'hui à la cinquième condition, c'est-à-dire la cinquième condition que doit remplir la personne qui critique les savants, les du'at ou les livres. La cinquième condition, c'est la bonne opinion. C'est-à-dire, faut penser du bien de ton frère avant de le juger. Il y a des frères qui ont déjà des arrière-pensées et des idées préconçues qui sont mauvaises sur le savant ou le da'i qu'ils veulent juger. Et ils interprètent les propos de celui-ci en se basant sur ces idées-là, sur ces arrière-pensées qui couvent dans leur esprit. Ils lui font dire ce qu'il n'a pas dit. Ils exagèrent et ils dramatisent les choses. Or Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde contre cette mauvaise qualité. Il a dit: Ya ayyuhal ladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. Inna ba'd adh-dhann ithm. Ô vous qui croyez, évitez l'excès de conjecture. Une part de la conjecture est péché. Wa la tajassasu ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Vous qui croyez, évitez l'excès de conjecture. Une part de la conjecture est péché. Ne vous espionnez pas. Ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger de la chair de son frère mort? Vous auriez cela en horreur. Craignez Allah. Allah est certes indulgent et miséricordieux. Surat al-Hujurat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Iyakum wa dhan, fa inna dhanna akdhab al-hadith. ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: méfiez-vous de la conjecture, car c'est ce qui est de plus mensonger. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. Ne vous espionnez pas, ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous détestez pas, ne vous tournez pas le dos les uns aux autres, et soyez des adorateurs d'Allah qui sont des frères. Voilà la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec la mauvaise pensée, avec les arrière-pensées, tu ne peux pas être objectif dans ta critique, ni équitable dans ton jugement. Cherche des excuses pour ton frère. Qu'est-ce qu'Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit à propos de la calomnie? Il a dit: وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا. Il a dit: quand vous avez entendu cette calomnie, vous, croyants et croyantes, auriez dû avoir une belle opinion les uns des autres en disant: voilà une flagrante calomnie. Husnuzan. L'émir des croyants, Omar ibn al-Khattab, a dit, radiallahu anhu: La tazunna bi kalimatin kharajat min akhika al-muslimi su'an wa anta tajidu laha fi al-khayri mahmala. La tazunna bi kalimatin kharajat min akhika al-muslimi su'an wa anta tajidu laha fi al-khayri mahmala. Il a dit, radiallahu anhu: n'interprète pas mal une parole qui sort de la bouche de ton frère musulman alors que tu peux lui trouver un sens louable. Cette tradition, ça se trouve dans Tafsir d'Ibn Kathir, volume 4. Abu Qilaba, Abdullah ibn Zayd, l'un des salafs, l'un de nos plus prédécesseurs, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: إِذَا بَلَغَكَ عَنْ أَخِيكَ شَيْءٌ تَكْرَهُهُ فَالْتَمِسْ لَهُ الْعُذْرَ جُهْدَكَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْرًا فَقُلْ فِي نَفْسِكَ لَعَلَّ لِأَخِي عُذْرًا لَا أَعْلَمُهُ. Abu Qilaba dit: si on te rapporte quelque chose de déplaisant au sujet de ton frère, efforce-toi de lui trouver une excuse. Si tu n'en trouves aucune, dis-toi: peut-être que mon frère a une excuse que je ne connais pas. Qui dit avoir une opinion, une bonne opinion, dit un niveau plus élevé, observer la plus grande pureté du cœur vis-à-vis des musulmans en général et vis-à-vis des savants en particulier. C'est ce qu'on appelle salamat sadr. Salamat sadr. Rares sont ceux qui ont cette qualité. Tu vois, certains du'at, certains frères, ils ont cette bonne qualité, à savoir qu'ils observent la plus grande pureté du cœur à l'égard de leur frère. Malgré les différences des points de vue et les divergences avec ses frères, tu trouves son cœur est pur de toute rancune. La pureté du cœur, qu'est-ce qu'elle fait? Il libère le musulman des liens des passions et des ressentiments qui le bloquent dans son apprentissage de la science et dans sa da'wah. Ceux qui se parent de cette qualité, généralement, ils sont actifs et œuvrent beaucoup, font beaucoup de amal salih, œuvrent beaucoup. Il y a une tradition qui dit, An Sufyan ibn Dinar qala, qultu li Abi Bashir, wa kana min ashabi Ali radiyallahu anhu. Là, ce hadith ou cette tradition, elle part du comportement des compagnons radiyallahu anhum. Soufiane ibn Dinar, il a dit, j'ai dit à Abu Bashir. Abu Bashir, c'est l'un des compagnons de Ali ibn Abi Talib, l'un de ses disciples. Il lui a dit, akhbirni an a'mali man kana qablana. Il dit, parle-moi des œuvres de nos pieux prédécesseurs, à savoir les tabi'in, les compagnons. Il a répondu, ada qal. Qal kanu ya'maluna yasiran, wa yu'jaruna kathira. Il lui a répondu, il a dit, ils œuvraient peu, mais il jouissait de grandes récompenses. قال قلت ولماذاك؟ Sufyan ibn Dinar il a demandé à Abi Bashir. Il a dit quelle en est la raison? فقال لسلامتي صدورهم. قال لسلامتي صدورهم. Il a dit ils observaient la plus grande pureté du cœur et ils portaient conseil à la communauté. قال لسلامتي صدورهم ونصحهم للأمة. C'est une tradition rapportée par Hannad ibn Sirri dans Kitab al-Zawd. قال إياس بن معاوية بن قرة. إياس بن معاوية بن قرة رضي الله عنه. Il parlait là des compagnons. Il a dit كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة. إياس بن معاوية qui est tabi'i, il a dit le meilleur d'entre eux, c'est-à-dire le meilleur d'entre les compagnons, il a dit le meilleur d'entre eux à leurs yeux est celui qui a le cœur le plus pur et qui médit le moins. Et qui est le moins enclin à la médisance. Cette tradition elle est rapportée par Tabarani dans Makarim al-Akhlaq et Abu Nu'aym dans Al-Hilya. Al-Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah. Le grand Fudayl ibn Ayyad, le grand ascète, a dit, celui parmi nous qui atteint un haut degré de mérite ne l'a pas atteint par l'observation fréquente du jeûne et son assiduité à la prière. Il a dit, لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة. Celui qui parmi nous qui atteint un haut degré de mérite ne l'a pas atteint par l'observation fréquente du jeûne et son assiduité à la prière. ولكن لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة الصيام ولا الصلاة وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدر والنصح للأمة. Mais il a atteint ce degré par la générosité de son âme, la pureté de son cœur et par sa promptitude à porter conseil à la communauté. Kitab Ghurbat al-Islam d'Ibn Rajab al-Hanbali. Exemple d'un grand savant qui est connu pour ça, pour Salam al-Sadr, l'imam Bukhari. L'imam Bukhari, il observait la plus grande pureté du cœur à l'égard de ses contestataires, de ses adversaires. Dans sa tarjama, qui se trouve dans Sir A'lam Nubala de l'imam Zahabi. Dans le volume 12, page 461, l'imam Zahabi, il a cité la tarjama, savoir petite biographie de l'imam al-Bukhari. Il a dit, وَكَانَ كَثِيرٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُونَ لَهُ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقَعُ فِيكَ. Il a dit, beaucoup de compagnons de l'imam Bukhari lui disent, certaines personnes t'attaquent, te calomnient. فَيَقُولْ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Il répondait, par le verset suivant, en vérité, les pièges de Satan sont faibles. Par le verset de la sourate Nisa. فَكَانَ يُجِبْ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَجِيدِ ابْنُ إِبْرَاهِيمِ. Un de ses compagnons, Abdelmajid ibn Ibrahim, lui a dit, كيف لا تدعو على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويباهتونك ويبهتونك. Elle dit, comment n'invoques-tu pas Allah contre ces gens qui agissent injustement à ton égard, qui médisent de toi et qui t'imputent des mensonges. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. Il a répondu, il a dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, prenez patience jusqu'à ce que vous me rencontriez près de la vasque. La vasque, ça veut dire la vasque d'eau près duquel le prophète صلى الله عليه وسلم se trouvera sur l'air de la résurrection le jour du jugement, et que les croyants vont en boire. Voilà, ça c'est l'exemple de la pureté du cœur de nos prédécesseurs. Qu'a dit Ibn Taymiyyah à propos d'Ibn Makhlouf? Ibn Makhlouf, c'était son pire ennemi, c'était son adversaire. Ibn Makhlouf, il a excommunié Ibn Taymiyyah. Il a été à l'origine de l'emprisonnement d'Ibn Taymiyyah. Il a dit, je suis prêt. Il a dit, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit, « وابن مخلوف لو علم مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه ولا أعين عليه عدوه ولا أعين عليه عدوه قط. وابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه ولا أعين عليه عدوه قط. ابن مخلوف, je suis prêt, il a dit, je suis prêt à aider Ibn Makhlouf dans le bien, et je n'aiderai jamais ses ennemis contre lui. Ça se trouve dans Majmou al-Fatawa, volume 3, et la page 271. Pourtant, Ibn Makhlouf a dit sur Ibn Taymiyyah, il est mon ennemi. Et quand il a vu les gens lui rendaient visite dans sa cellule, dans sa prison, il a dit, si vous ne voulez pas le tuer, faites au moins pression sur lui. Et il est clair qu'il a mécru, il a kufr, carrément. Il a excommunié Ibn Taymiyyah. Ce témoignage, il se trouve dans Kitab al-Badr al-Tali'. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit, هذا وأنا في ساعة صدر لمن يخالفني. Il a dit, ceci étant, j'observe la plus grande pureté du cœur vis-à-vis de quiconque s'est opposé à moi. فإني وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه. Il a dit, si lui transgresse les limites normatives d'Allah envers moi en me traitant de mécréants, de pervers, ou par des calomnies, ou par un fanatisme digne de l'époque de l'ignorance, de la jahiliya, de l'ignorance anti-islamique, moi, je ne transgresserai pas les limites d'Allah à son sujet. فأنا لا أتعدى حدود الله فيه بل أضبط ما أقوله وأفعله فأضبط بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه. Bien plutôt, je mesurerai exactement ce que je dirai et ce que je ferai, je le pèserai au moyen de la balance de la justice, et je lui ferai prendre comme guide le livre qu'Allah a fait descendre et a fait de lui un guide pour les gens et un juge qui tranche leurs divergences. Majmou' al-Fatawa, volume 3, la page 245. Dans un autre passage, il a dit, وَالَّذِينَ كَذَبُوا وَظَلَمُوا فَهُمْ فِي حِلٍ مِنْ جِهَتِي. Dans Majmou' al-Fatawa, volume 28, page 55. Il a dit, ceux qui ont menti à mon sujet et ont agi injustement envers moi, je les ai pardonnés. Elle est très belle cette qualité, la pureté du cœur. Celui qui n'a pas cette qualité, si on le critique à tort ou à raison, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va chercher à se venger par tous les moyens. Il va chercher la moindre erreur de celui qui l'a critiqué et va la grossir et la dramatiser. S'il ne trouve pas d'erreur, il va mettre en cause la sincérité de l'intention de son adversaire et il va même jusqu'à le calomnier. Comme on voit aujourd'hui souvent certains frères, directement, dès que quelqu'un lui répond ou réfute ce qu'il a dit, va aussitôt. Il n'a pris même pas le temps de réfléchir, non. Il répond pour se défendre. Il n'y a pas de pureté du cœur. La pureté du cœur, c'est l'âme à tsadr. consiste également à pardonner les fautes des gens honorables, des gens respectables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est apporté par Aïcha, le prophète a dit Aqilu zawil hay'ati atharatihim illa al-hudud. Il a dit pardonner les fautes des gens respectables, sauf quand il s'agit d'une faute passible d'une peine canoniquement définie et arrêtée par Allah, c'est-à-dire un had. Et ce hadith rapporté par Abu Daoud, il se trouve dans Sisila Sahiha. وقال الإمام الشافعي الإمام الشافعي الذي ذو الهيئات باسكو البروفيسور صلى الله عليه وسلم هذه أقيل ذو الهيئات لي جون ريسبكتابل إلى دي ذو الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة. Cette tradition est rapportée par l'imam Bayhaqi dans son Al-Kubra. L'imam Shafi'i a dit que les gens respectables, les gens de condition, sont ceux qui méritent qu'on pardonne, à savoir ceux qui méritent qu'on pardonne leurs fautes, sont ceux qui sont connus pour leur bonne conduite, mais qui glissent, qui tombent dans une erreur. Voilà, on ne traite pas un homme honorable comme on traite un malfaiteur. En principe, il faut couvrir le savant et le da'iya qui se trompe. En principe. قال ابن تيمية فمن كان مستورا مشهورا بالخير فمن كان مستورا مشهورا بالخير حتى كبى به جواده وبنى غضبه على صبره وأديل عليه شيطانه فلا تسارع إلى تأنيبه وعقوبته بل تقال عثرته ما لم يكن حدا من حدود الله. C'est là la règle qui, c'est là une règle, il a dit, c'est là une règle qui préserve la valeur de nos savants. Enfin, Kana Masturan, celui qui est connu, qui pour sa bonne conduite et qui s'est trompé, il a fait un faux pas ou et, sous la colère ou une suggestion de Satan, de Shaitan, il ne faut pas se précipiter à lui faire des reproches et à le punir, mais il faut lui pardonner ses erreurs tant qu'il ne s'agisse pas d'une faute passible d'un had, d'une peine canoniquement définie par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il faut couvrir les hommes respectables, notamment les savants? Pourquoi? Parce qu'ils ont de grandes responsabilités. L'emploi du temps d'un savant ou d'un da'iya, tu vas voir plusieurs leçons par semaine, voire par jour, plusieurs fatwas, des conférences ici et là, ils composent des livres, il est normal qu'ils se trompent. Nous, les gens du commun, nous ne faisons rien pour la cause d'Allah, et pourtant Dieu sait combien d'erreurs et de péchés nous commettons chaque jour. Et on reproche aux savants et aux réformateurs les erreurs qu'ils commettent, alors que leurs activités sont innombrables. Écoutez ce dialogue entre deux nobles compagnons. Il est rapporté par l'imam Zuhri. قال الإمام الزهري حدثني عروة أن المسور بن مخرمة أخبره فو écoutez attentivement ce dialogue. أن المسور بن مخرمة أخبره أنه وفد على معاوية فقضى حاجته ثم خلا به. الزهري rapporte عروة مدي عروة مدي. Cette tradition se trouve dans Kitab Sir Alam Nubala. Urwa m'a dit qu'Al-Miswar ibn Makhrama lui a raconté qu'il s'est rendu chez Muawiyah. Al-Miswar ibn Makhrama, c'est un compagnon du Prophète sallam. Il s'est rendu chez Muawiyah, qui est un compagnon du Prophète sallam. Il s'est rendu chez lui pour une requête. Pour une requête, et Muawiyah a satisfait sa requête. Puis, Muawiyah se mit en tête à tête avec Al-Miswar ibn Makhrama. Il lui dit, ثُمَّ خَلَى بِهِ فَقَالَ يَا مِسْوَرْ مَا فَعَلَ طَعْنُكَ عَلَى الْأَئِمَّةِ. Il lui dit, qu'en est-il de ta critique des imams? فَقَالَ Al-Miswar دَعْنَا مِنْ هَذَا وَأَحْسِنْ. Al-Miswar a dit, épargne-nous la peine d'en parler et agis de la belle manière. فَقَالَ مُعَاوِيَ قَالَ لَا والله لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب علي. معاوية répliqué dit non, par Allah, dis-moi sincèrement ce que tu me reproches. قال المسور فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينته له. المسور a dit, je lui ai exposé clairement tout ce que je lui reproche. J'ai dévoilé toutes ces erreurs. فقال معاوية لا أبرأ من الذنب. معاوية dit je ne suis pas exempt de faute, d'erreur. لا أبرأ من الذنب. لا أبرأ من الذنب. فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة فإن الحسنة بعشر أمثالها أم تعد الذنوب وتترك المحاسن. معاوية dit je ne suis pas exempt d'erreur, de faute. Peux-tu m'énumérer les travaux de réforme dont je me charge pour l'intérêt général, sachant que la bonne action est multipliée par 10, ou bien tu ne comptes que les mauvaises actions et tu laisses les bonnes. قال المسور ما تذكر إلا الذنوب. Le Meswar a dit seules les fautes doivent être citées. قال معاوية. معاوية dit قال معاوية فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه. فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى بأن تهلك إن لم تغفر لك. معاوية dit je reconnais devant Allah tout péché que j'ai commis. مسور puis s'adresse à مسور dit مسور reconnais-tu avoir personnellement commis des fautes dont tu redoutes les répercussions si Allah ne te les pardonne pas. قال نعم. المسور a répondu رضي الله عنه il a dit oui. قال معاوية فما يجعلك برجاء المغفرة أحق مني. معاوية dit pour quelle raison tu as plus de droit que moi à espérer le pardon d'Allah. فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي. فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي. Je jure par Allah que les œuvres de réforme que je dirige sont plus nombreuses que celles dont tu t'occupes. ولكن والله لا أخير بين أمرين بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على ما سواه. Il a dit je n'ai jamais eu à choisir entre Allah et autre chose sans avoir choisi Allah. وإني على دين. Écoutez bien. وإني على دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. Il a dit, et la religion que je professe est une religion où l'œuvre pie est acceptée, les bonnes actions sont récompensées et où les fautes sont sanctionnées si Allah ne les pardonne pas. فقال المسور مسور بن مخرمة قال فخصمني. Il a dit, المسور, il m'a réduit en silence. Il m'a réduit au silence. عروة qui a rapporté cette tradition de المسور فقال عروة فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه. عروة a dit depuis ce jour-là je n'ai jamais entendu المسور citer معاوية sans invoquer Allah en sa faveur. Passons maintenant à la sixième condition. La sixième condition c'est très important. Al-adl, l'équité. Il faut donner, il faut rendre à chacun justice. Il faut donner à chacun son droit, sans le léser. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سورة المائدة. Vous qui croyez, agissez pour Allah avec équité quand vous êtes témoins. Que la haine de certains gens ne vous porte point à ne pas être juste. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا, soyez juste. هو أقرب للتقوى, cela est plus préférable de la crainte pieuse. واتقوا الله, et craignez Allah. إن الله خبير بما تعملون. Car en vérité, Allah connaît parfaitement ce que vous faites. Faut être juste avec tout le monde, avec ses amis, avec ses ennemis. Il faut tout peser au moyen de la balance de la justice. Aujourd'hui, au sein de cette fitna de récusation des savants et des réformateurs, ce sont les passions qui orientent les idées et les tendances, au point de voir certains frères fermer l'œil sur les erreurs de leur cheikh et de sa jama'a, même si ces erreurs sont graves et flagrantes. On les voit, ils les défendent par tous les moyens. Et ils crient, non, ce ne sont pas des erreurs. Vous avez mal compris. Qui êtes-vous pour critiquer notre cheikh? Et ils donnent à ces erreurs une interprétation qui les part, qui les rend belles. et si bien qu'elle ne devient plus des erreurs, mais de bonnes actions. Par contre, quand il déteste un savant ou une jama'a par passion ou par imitation servile, ben, il le dépouille de tous ses mérites. Il ne regarde que ses mauvaises actions. Quand il découvre une de ses erreurs, si petite soit-il, il la grossit. Oh, mais c'est grave ce qu'il a dit. Oh. Parfois, il donne à ses bonnes actions une interprétation qui le transforme en mauvaise action. يقول ابن القيم رحمه الله قال ابن القيم والله تعالى يحب الإنصاف بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل. الله le très haut aime l'équité, c'est même la meilleure qualité qu'un homme peut porter. خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب. Surtout celui qui a pris la responsabilité de juger les avis et les doctrines. خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب وقد قال الله تعالى لرسوله وأمرت لأعدل بينكم. الله révélé ceci à son envoyé, j'ai reçu l'ordre d'établir la justice entre vous. Ça, ce verset se trouve dans sourate Shura. فورثة الرسول منصبهم العدل بين الطوائف وألا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه بل يكون الحق مطلوبه يسير بسيره وينزل بنزوله. Il a dit, les héritiers des envoyés, savoir qui les héritiers des envoyés sont les savants, les héritiers des envoyés ont pour mission de juger avec équité, les groupes et les sectes, et de ne pas pencher du côté de leurs proches ou de ceux qui se réclament de leur école. Bien plutôt, il faut qu'ils cherchent la vérité. Ils cheminent sa voie, c'est-à-dire sur la voie de la vérité. بل يكون الحق مطلوب يسير بسيره. Et s'arrête là où s'arrête la vérité. وينزل بنزوله. Il adopte la justice. يدين العدل والإنصاف. Il adopte la justice et l'équité comme une religion. يدين العدل والإنصاف. Il adopte la justice et l'équité comme une religion. ويحكم الحجة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Et il prend comme juge l'argument scripturaire et la voie suivie par l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Kitab I'lam al-Muwaqqi'in, volume 3, page 94. Al-Layamil, il ne doit pas pencher du côté Al-Layamil ma'a qaribihi wa zawi madhabihi wa ta'ifati wa matbu'i. Ils ne doivent pas pencher du côté de leurs proches, de ceux qui se réclament de leur école, de leur groupe ou de leur cheikh. بل يكون مع الحق يكون الحق مطلوب. Ce qu'ils cherchent, c'est la vérité. L'équité consiste à accepter la vérité de qui que ce soit. قبول الحق من أي مصدر جاء. Le croyant cherche la vérité là où il se trouve et l'accepte de qui que ce soit. قتيلة بنت صيفي a dit, un rabbin vient trouver l'envoyé d'Allah. Atahibru min al-ahbar ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Un rabbin vient trouver, un rabbin juif, il vient trouver l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, oh Muhammad, qala ya Muhammad, ni'ma al-qawmu lawla annakum tushrikun. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh Muhammad, quel excellent peuple vous êtes pourvu que vous ne donniez aucun associé à Allah. Grave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, subhanallah, wa ma dhak. Comment cela? Et puis le rabbin juif a dit, qala taquluna idha halaftum wal ka'ba. Il a dit, vous dites dans vos serments par la Kaaba, vous jurez par la Kaaba. Fa amhala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam shay'an thumma qala innahu qad qala faman halafa falyahlif bi rabbil ka'ba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tue un moment, puis s'adressant à ses compagnons, il leur dit, avez-vous compris, avez-vous entendu ce qu'il dit? Que celui qui veut jurer, jure par le Seigneur de la Kaaba. Innahu qad qal, faman halafa, falyahlif bi rabbil Kaaba. Qala ya Muhammad, le rabbin dit, ya Muhammad, oh Muhammad, ni'mal qawm, أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. Il a dit au Mohammed, quel excellent peuple vous êtes, pourvu que vous ne donniez pas à Allah un pareil. Et le prophète sallam a répondu, Subhanallah, wa ma dhak. Voilà, Subhanallah, comment cela? Le rabbin a dit, Qala, taquluna ma sha'a wa shi'at. Et vous dites ce qu'Allah a voulu et ce que tu as voulu. Et l'envoyé d'Allah, faqaf amhala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam shi'at, thumma qal, innahu qad qal. فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهم ثم شئت فليفصل بينهما ثم شئت. Il a dit, avez-vous entendu ce qu'il a dit? Dorénavant, celui qui veut prononcer cette formule, qu'il sépare entre ce qu'Allah a voulu et ce que tu as voulu par ثم. فليفصل بينهم ثم شئت. C'est-à-dire qu'il dit ce qu'Allah a voulu puis ce que tu as voulu, pour ne pas mettre un pareil avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith se trouve dans Sunan Nasa'i, il est qualifié d'authentique par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté la vérité venant de ce rabbin. Qala ibn Taymiyyah rahimahullah, wallahu qad amarana alla naqula alayhi illa al-haq. Allah nous a ordonné de ne dire à son sujet que la vérité. وَأَلَّا نَقُولَ عَلَيْهِ إِلَّا بِعِلْمِ. Et de ne pas dire à son sujet, que des choses qui s'appuient sur une science certaine. وَأَلَّا نَقُولَ عَلَيْهِ إِلَّا الْحَقِّ. وَاللَّهُ قَدْ أَمَرَنَا أَلَّا نَقُولَ عَلَيْهِ إِلَّا الْحَقِّ. Allah nous a ordonné de ne dire à son sujet que la vérité. Et de ne pas dire à son sujet, que des choses qui s'appuient sur une science certaine. Et il nous a ordonné d'être juste et équitable. فَلَا يَجُوزُ لَنَا إِذَا قَالَ لَنَا يَهُودِيٌ أَوْ نَصْرَانِيٌ فَضْلًا عَنِ الرَّافِضِي قولا فيه حق أن نتركه ونرد أو نرده كله بل لا نرد إلا ما فيه الباطل دون ما فيه الحق. Il a dit ainsi, lorsqu'un juif ou un chrétien et à plus forte raison un chiite dit une parole qui comporte de la vérité, il ne nous est pas permis de la mettre de côté et de la rejeter en entier. Nous ne devons rejeter que ce qu'elle comporte comme erreur, sans ce qu'elle comporte comme vérité. Donc, Kitab, Minhaj, Sunan Nabawiyya, volume 2 et la page 342. L'équité consiste à pardonner les erreurs des savants, des du'ats et des réformateurs. L'équité, il consiste à pardonner les erreurs, parce qu'ils ne sont rien devant les choses dans lesquelles ces savants, ces du'ats ont raison. قال ابن القيم من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثيرا ظاهرا فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى لغيره. ابن القيم دي parmi les règles de la charia et de la sagesse aussi, il y a celle-ci: celui dont les bonnes actions sont nombreuses et éminentes et qui a rendu d'éminents services à l'islam, nous devons tolérer ses erreurs plus que nous devons tolérer les erreurs des autres, et nous devons lui pardonner ce que nous pardonnerons pas aux autres. La suite, ce qu'il a dit. فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. La mauvaise action est une impureté. Or, une petite quantité, une eau qui atteint la qualité de deux, la quantité de deux grandes cruches ne s'altère pas au contact d'une impureté. La mauvaise action est une impureté. فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ خَبَثْ وَالْمَاءُ إِذَا بَلَغَ الْقُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثْ. Or, une eau qui atteint la quantité de deux grandes cruches ne s'altère pas au contact d'une impureté. بِخِلَافِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ أَدْنَى خَبَثْ. Contrairement à l'eau de faible quantité qui s'altère au contact de la moindre impureté. Il a dit ça dans Miftah Dar Sa'ad, le volume 11 et la page 76. Donc il a, si vous voulez, il a assimilé le grand savant et le da'iya et le réformateur à l'eau. À l'eau abondante. S'il commet une faute, ce n'est qu'une petite impureté dans l'eau abondante. Donc elle ne la corrompt pas. Tandis que les ignorants et les gens du commun, comme nous, on peut nous assimiler à une faible quantité d'eau. La moindre impureté va nous corrompre. Certains frères, malheureusement, ne voient que les erreurs, si petites soient-elles. Ils cherchent la moindre lacune, la moindre inexactitude. Ils décortiquent le livre et les enregistrements. Ils passent par mille choses dans lesquelles l'auteur a raison et il met le doigt sur une ou deux fautes. C'est devenu une manie, une maladie chez certains frères. Sa bibliothèque est remplie par les rododes, les réfutations. Ar-radd ala, réfutation d'un tel. Et tu vois, sa médiathèque ne contient pas vraiment des leçons entières, mais des extraits de 30, 40 secondes, une minute, deux minutes, des morceaux d'insultes, de critiques, juste le passage dans lequel son cher taxe un tel de pervers, ou le passage dans lequel le cher qu'il vise à critiquer contient l'erreur. Akhi, sois comme l'abeille. Nahla, sois comme l'abeille. L'abeille, elle ne se pose que sur les belles fleurs, pour en sucer le bon nectar. Il y a des leçons très intéressantes des savants. Il y a des livres très intéressants. Ne sois pas comme la mouche et ne se pose que sur les choses sales. Comme a dit Ibn Taymiyyah dans Kitab Minhaj Sunnah Nabawiyyah. Il a dit, écoutez bien ce qu'il a dit. Fa'inna al-jahil. فإن الجاهل بمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقير ولا يقع على الصحيح والعاقل يزن الأمور جميعا هذا وهذا. Il a dit l'ignorant est comparable aux mouches. Il ne se pose que sur les parties malades d'un corps ou sur les blessures et les tumeurs. Il ne se pose pas sur les parties saines. لا يقع إلا على العقير ولا يقع على الصحيح. Tandis que l'homme intelligent donne à chaque chose sa juste valeur. Donc mon frère, faut pas être comme une mouche. Faut être comme une abeille. Il se pose que sur les belles choses. Il y a des doros, il y a des leçons très intéressantes dans le fiqh, dans l'usul, dans le hadith, dans le tariq, le mawa'id, beaucoup de choses très intéressantes. Il faut pas scruter que les erreurs. Regardez à quoi l'imam du hadith, Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna, il est né en 107 de l'Hégire. Il est hafid de Mecca, c'est un géant dans le hadith, un grand savant, un hafid, une grande mémoire. Sufyan ibn Uyayna, il compare ceux qui scrutent les faux pas et taisent les bonnes actions. Ben regardez comment il les compare à quoi. C'est lui qui le dit. Il a dit, parmi les gens, il y a ceux qui ressemblent aux porcs. وَمِنْهُمْ مَنْ يُشْبِهُ الْخَنَازِيرُ الَّتِي لَوْ أُلْقِيَ لَهَا الطَّعَامُ الطَّيِّبُ عَافَتُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُشْبِهُ الْخَنَازِيرُ الَّتِي لَوْ أُلْقِيَ لَهَا الطَّعَامُ الطَّيِّبُ عَافَتُهُ. Il a dit, parmi les gens, il y a ceux qui ressemblent aux porcs, qui quand l'homme leur jette de la bonne nourriture, il répugne à la manger. عَافَتْهُ فَإِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ رَجِيعِهِ وَلَغَتْ فِيهِ. Il a dit que quand l'homme leur jette de la bonne nourriture, il répugne à la manger. Mais s'il vomit et les laisse et s'en va, ils avalent son vomi. Ils vont directement vers son vomi, ils vont l'avaler et ils laissent la bonne nourriture. Il a dit de même, فكذلك تجد من الآدميين من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ واحدة منها وإن أخطأ رجل عن نفسه أو حكى خطأ غيره ترواه وحفظه. Il a dit de même, certains êtres humains, certaines personnes, s'ils entendent 50 leçons sages, ils n'en retiennent aucune. Mais lorsque l'homme commet une erreur ou rapporte l'erreur d'autrui, il la retient par cœur. Il retient les erreurs, mais les sagesses Et il passe par sa compte, sagesse, ben il retient aucune. Là, quand il entend une erreur, un hadith, ça y est, il prête l'oreille, il est très attentif. Ben il compare, Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, il compare ces gens-là au porc. Le Kitab al-Uzla, vous avez trouvé ce passage dans Kitab al-Uzla al-Khattabi. L'équité consiste à se libérer de l'imitation servile, de l'esprit partisan et de l'attachement fervent à un cheikh. L'esprit partisan, le culte de la personnalité, l'attachement inconditionnel est un mal qui gangrène la da'wa. Il divise la communauté. L'imitation servile, pour défendre le cheikh duquel il se réclame ou le groupe auquel il appartient, certains vont jusqu'à taire la vérité, falsifier les informations, s'en prendre à l'honneur de leurs adversaires. تعصب ستان بروبليم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه إلى دي صلى الله عليه وسلم حديث رابورتي بار أبو داود حديث أوثنتيك se trouve dans السلسلة الصحيحة إلى دي celui qui défend à tort son groupe ou son peuple est comparable au chameau qui est tombé dans un puits et qu'on se met à le retirer par la queue pour le sauver. Voilà à quoi compare le professeur Salam, celui qui défend à tort son groupe. Il a assimilé celui-là à un chameau qui est tombé dans un puits et qu'on tire par la queue. C'est-à-dire en défendant à tort son clan, son hizb, son shir, on se précipite dans les péchés et on se débat pour en sortir sans pouvoir le faire. Voilà l'explication de ce hadith, si vous voulez. قال السبكي, l'imam السبكي, dans Kitab Tabaqat Shafi'iyya, il a dit الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسر إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة في الذي جرحه. Il a dit on ne doit pas accepter la récusation de l'autorité d'un rapporteur ou la critique de quelqu'un, la preuve du hadith, on ne doit pas accepter la récusation de l'autorité d'un rapporteur de hadith, même si celui qui l'a récusé en a donné l'explication. S'il existe des indices, إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة في الذي جرحه. S'il existe des indices qui prouvent par la raison que ce qui a poussé cet homme à récuser l'autorité de ce rapporteur, c'est l'envie de nuire à sa réputation. حامل على الوقيعة في الذي جرحه من تعصب مذهبي أو منافسة كما يكون من النظراء أو غير ذلك. Il a dit on ne doit pas accepter la récusation, le rejet ou le refus du témoignage d'un rapporteur de hadith, même si celui qui l'a récusé en a donné l'explication, s'il existe des preuves, des indices qui prouvent par la raison que ce qui a poussé cet homme à rejeter ou à critiquer défavorablement ce rapporteur, c'est l'envie de nuire à sa réputation et de le rabaisser à cause de quoi? À cause d'un ta'assub, min ta'assub min madhhabi, à cause d'un attachement inconditionnel à un madhhab ou une rivalité, comme ce qui se passe entre ceux qui ont un même niveau de science ou pour d'autres raisons. Tabaqat Shafi'iyya. L'équité, l'adl, consiste à juger l'homme ou le livre d'après ce qui prédomine chez lui. L'hikm, hukm al-ghalib. Il faut considérer toujours, il faut considérer le côté prédominant. Al-ibratu, al-ghalib. Ça, c'est une règle dans le fiqh. Et dans le fiqh aussi dans la branche du jarh ou ta'dil. Hein? Dans la science du hadith. Également dans les jugements des hommes et de leurs œuvres. S'il prédomine chez un homme la conformité à la sunna, l'obéissance à Allah, alors c'est un sunnite. Et il ne faut pas se tourner vers ses péchés et ses erreurs. Il ne faut pas taxer un savant, un da'iya, pour une ou deux erreurs qu'il a commises ou une bid'a. قال الإمام الشافعي إذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل وإن كان وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح. Il a dit l'imam Shafi'i, s'il prédomine chez l'homme, le rapporteur plutôt du hadith, s'il prédomine chez lui l'obéissance d'Allah, c'est celui-là qu'il faut juger honorable. S'il prédomine chez quelqu'un le péché, c'est celui-là qu'il faut récuser et critiquer défavorablement. Il a dit ça dans le Kifaya. Ce passage se trouve, ce récit se trouve dans le Kitab al-Kifaya, fi ilm al-riwaya. قال الإمام الذهبي écoutez bien ce qu'a dit l'imam الذهبي. ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه. Et puis celui qui fait partie des imams de la science les plus éminents, qui a visé juste dans beaucoup de questions religieuses, on sait d'après ses raisonnements qu'il cherche la vérité, qu'il cherche l'argument le plus juste. وَعُلِمَ تَحَرِّيهِ لِلْحَقِّ وَاتَّسَعَ عِلْمُهُ. Son savoir est large. وَظَهَرَ ذَكَاءُهُ. Son intelligence est manifeste. وَعُرِفَ صَلَاحُهُ وَوَرَعُهُ وَاتِّبَاعُهُ. On le connaît par sa piété, son scrupule et sa conformité à la sunna. يُغْفَرُ لَهُ زَلَلُهُ. Il a dit, on lui pardonne ses fautes. On lui pardonne ses erreurs. وَلَا نُضَلِّلُهُ. Il a dit, nous ne devons pas le qualifier d'égaré. وَنَطَرَحُهُ وَنَنْسَى مَحَسِنَ. Nous ne devons pas le qualifier d'égaré, de l'ignorer et oublier ses bonnes actions. نعم. وَلَا نَقْتَدِي بِهِ فِي بِدْعَتِهِ وَخَطَئِهِ. وَنَرْجُو لَهُ التَّوْبَةَ مِنْ ذَلِكَ. Il a dit, certes, nous ne devons pas le suivre dans sa bid'a et dans son erreur, mais nous implorons Allah de lui pardonner. Sir A'lam Nubala, volume 5 et la page 279. Ce n'est pas juste de rejeter un savant et de ne pas le considérer comme un savant, de barrer son nom de la liste des savants et d'oublier ses mérites, ses exploits et ses bonnes actions à cause d'une ou deux erreurs ou à cause d'une bid'a. Écoutez cette petite histoire qui peut servir de leçon à beaucoup de frères aujourd'hui. Histoire. قال الحميدي. الحميدي a dit, كان أحمد بن حنبل قد أقام عندنا بمكة على سفيان بن عيينة فقال لي ذات يوم ها هنا رجل من قريش له بيان ومعرفة. الحميدي rapporte, l'imam Ahmed bin Hanbal est venu chez nous à la Mecque et s'est installé chez Sufyan ibn Uyayna. Il me dit, l'imam Ahmed a dit à الحميدي, il me dit un jour, il vit ici un homme qui a de l'éloquence et de la science. ها هنا رجل من قريش له بيان ومعرفة. فقلت له من هو فمن هو. Je lui ai dit qui est-ce. Il répondit قال محمد بن إدريس الشافعي. Il a dit, il répondit محمد ابن إدريس الشافعي. L'imam الشافعي. وكان أحمد قد جالسه في العراق. الحميدي dit, Ahmed a déjà discuté avec lui en Irak. On sait que l'imam Ahmed a rencontré l'imam Shafi'i. فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّ جَرَّنِ إِلَيْهِ. Il insista pour que j'aille avec lui chez Shafi'i. وَكَانَ الشَّافِعِيُّ قُبَالَةَ الْمِيزَابِ فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ. Nous trouvons Shafi'i assis en face de la gouttière. Le Mizab, c'est la gouttière de la Kaaba. Et nous nous assîmes près de lui. فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ. وَدَارَتْ مَسَائِلِ. Il y a beaucoup de questions juridiques ou hadithiques furent soulevées durant cette réunion. فَلَمَّا قُمْنَا قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلْ كَيْفَ رَأَيْتِ. Il a dit, quand nous nous levâmes, après cette discussion, ce débat qui a eu lieu entre deux grands, deux géants, deux fondateurs de madhab, l'imam Ahmed bin Hanbal et l'imam Shafi'i, quand nous nous levâmes, Ahmed bin Hanbal me dit, comment as-tu trouvé l'imam Shafi'i? كيف رأيت. فجعلت أتتبع ما أخطأ فيه. Humaydi a dit, je me suis mis à lui citer toutes les erreurs que Shafi'i a commises. فجعلت أتتبع ما أخطأ فيه وكان ذلك مني بالقرشية. يعني je me suis mis à lui citer toutes les erreurs que Shafi'i a commises, c'était Qurashien de ma part, c'est-à-dire c'était par jalousie de ma part à l'égard de Shafi'i, puisque Shafi'i il est de Quraysh, c'est-à-dire qu'il l'a envié. فقال لي أحمد فأنت لا ترضى أن يكون رجل من قريش يكون له هذه المعرفة وهذا البيان. الأحمد مدي n'est-il pas content de voir un homme de Quraysh détenir une telle connaissance, une telle éloquence. تمر مئة إلى كنت الإمام أحمد تمر مئة مسألة يخطئ خمسا اترك ما أخطأ وخذ ما أصاب تمر مئة مسألة يخطئ خمسا اترك ما أخذ ما أخطأ وخذ ما أصاب. Il a dit dans 100 questions il ne se trompe que dans 5 ou 10 questions. Laisse ses erreurs et prends les choses dans lesquelles il a raison. Ça, ça se trouve dans Adab Shafi'i wa Manaqibi al-Razi, la page 44. Il se trouve aussi dans Hilyat al-Awliya, le volume 9 et la page 69. Quand il a cité la tarjama du savant Abu Bakr al-Qaffal, l'imam al-Zahabi a cité ce témoignage. Ça, c'est aussi c'est pour montrer l'équité qu'observaient ces savants-là. L'imam Zahabi il a cité la biographie d'Abu Bakr al-Qaffal et il a cité ce témoignage là. Il a dit Abu al-Hassan al-Saffar rapporte qu'Abu Sahl al-Su'louki fut interrogé au sujet du livre d'exégèse d'Abu Bakr al-Qaffal. Il a dit bon c'est Abu Bakr Abu Sahl al-Su'louki fut interrogé au sujet des livres d'exégèse, de tafsir. Tafsir de qui ? De tafsir d'Abu Bakr al-Qaffal. Et qu'est-ce qu'il a dit, Abu Sahl al-Su'louki ? Il a dit « Sanctifie-le d'un côté et profane-le de l'autre. »« Qaddis-hu min wajhin wa dannis-hu min wajh » Bon, sanctifie-le d'un côté et salis-le de l'autre côté. C'est-à-dire, bon... Al-Dhahabi l'a expliqué profane-le de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de sa défense de la doctrine des Mu'tazila, des Mubtadi'a. C'est-à-dire que le livre d'Abu Bakr al-Qaffal, il contient des choses dans lesquelles il a défendu la thèse des Mu'tazilites. Et regardez comment l'imam Al-Dhahabi, ce grand savant du Jarh wa Ta'dil, comment il a jugé avec équité cette situation. Regardez comment il a défendu Abu Bakr al-Qaffal. Qui est l'exégète. Il a dit قَدْ مَرَّ مَوْتُهُ وَالْكَمَالُ عَزِيزُ الذهبي a dit. Il commenta ainsi cette critique sévère. Il a dit l'homme est déjà mort. Atteindre la perfection dans une œuvre est quelque chose d'impossible. قَدْ مَرَّ مَوْتُهُ وَالْكَمَالُ عَزِيزُ وَإِنَّمَا يُمْدَحُ الْعَالِمُ بِكَثْرَةِ مَا لَهُ مِنَ الْفَضَائِلِ فَلَا تُدْفَنُ الْمَحَاسِنُ لِوَرْطَةٍ وَلَعَلَّهُ رَجَعَ عَنْهَا. Il a dit, on loue un savant pour ses nombreux mérites. On n'enterre pas les bonnes actions à cause d'une erreur. Peut-être qu'il est revenu sur cette erreur. Regardez comment il justifie l'erreur de cet exégète. وَقَدْ يُغْفَرُ لَهُ بِاسْتِفْرَارِهِ الْوُسْعَ فِي طَلَبِ الْحَقِّ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Il dit, peut-être qu'Allah lui pardonne ses erreurs pour l'effort qu'il a déployé pour atteindre la vérité, et même s'il s'est trompé. Ça, c'est dans Sir A'lam Nubala, volume 6 et la page 285. On n'enterre pas les bonnes actions d'un savant pour une erreur. L'équité de ces grands savants. يقول ابن القيم رحمه الله ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا. Il a dit celui qui a une connaissance. Ça c'est dans I'lam al-Muwaqqi'in volume 3. Il a dit celui qui a une connaissance suffisante de la religion et de la réalité sait de manière catégorique que l'homme digne qui a œuvré pour l'islam et qui occupe un rang de mérite élevé aux yeux des musulmans يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة. Il a dit que l'homme digne, l'homme qui a œuvré pour l'islam et qui occupe un rang de mérite élevé aux yeux du musulman, il peut commettre des erreurs et peut se tromper. قد تكون منه الهفوة والزلة وهو فيها معذور. Il a dit, et il est pardonné pour cela, voire récompensé pour son ijtihad. Bel wa ma'jourun l'ijtihadi. Fala yajouzu أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. Il a dit, il n'est pas permis, il n'est pas permis de le suivre dans ses erreurs, mais il n'est pas permis non plus de faire perdre sa dignité, son imama et son honneur aux yeux des musulmans. Et il a dit aussi, فَلَوْ كَانَ كُلُّ مَنْ أَخْطَأَ أَوْ غَلَطَ تُرِكَ جُمْلَةً وَأُهْدِرَتْ مَحَاسِينُهُ لَفَسَدَتِ الْعُلُومُ وَالصِّنَاعَةُ وَالْحِكَمُ وَتَعَطَّلَتْ مَعَالِمُهَا. Il a dit, si n'importe qui commet une faute ou se trompe doit être abandonné et qu'on doit rejeter ses bonnes œuvres, les sciences, les techniques et les sagesses seront dans le désordre total. Il a dit ça dans Kitab Madarij As-Salikin, volume 2 et la page 39. Bon, Inch'Allah, la prochaine fois, je continuerai le reste de cette condition, ce qui est l'équité. Subhanak Allahumma bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.